Une chaise, un couvert. Vite donc! Allons, mets-toi là à table! Monsieur, je n'ai plus de faim. Mets-toi là, te dis-je! À boire! À la santé du commandeur! C'est de la part de ce général, et qu'on lui donne du vin. Monsieur, je n'ai pas soif. Vois, et chante ta chanson pour régaler le commandeur. Je suis enrhumé, monsieur. N'importe, vous autres, allez, accompagnez sa voix! Jean, c'est assez. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Oui. J'irai accompagner du Charles Galaret. Je vous rends grâce, il est demain jeune pour moi. Prends un flambeau. On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel.